On n'a pas pas tous les lèvres. Rappel Marie qui t'a Rita. Oh, il est malin, sinon. Sa'yo, baby, gusto kita maging gawin. Tulele,